أشراط الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ayyuhal ikhwat wal akhawat, on continue avec les signes de la fin des temps. Ces signes, ayyuhal ikhwat wal akhawat, nous permettent, wa hada min fadlillah subhanahu wa ta'ala, de se rendre compte à chaque fois qu'il n'y a pas de choses qui méritent d'être négligées dans cette religion qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahi l'islam. Malheureusement, comme le pensent certaines personnes, je vous dis cela pourquoi. Ici, sans rentrer dans les détails, mais simplement pour vous montrer ici un peu l'état de certains sans généraliser. كما قال عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم. D'accord, car on ne veut pas être parti ou faire partie des gens que le prophète عليه الصلاة والسلام a cité quand il a dit celui qui a dit que les gens entre guillemets ou alors avec une traduction approximative plutôt sont perdus. D'accord, c'est lui quelque part qui a été la cause de cette perte, c'est de leur désastre, de leur destruction. Donc nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas de khair dans la Ummah. Voilà, c'est une réalité, c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, dû à leur manque de sagesse, leur manque de science, leur manque de compréhension, se sont égarés. Et à titre d'exemple, il y a ces jeunes qui disent, et je dis ça parce que j'ai entendu il y a quelques heures ici une vidéo d'un frère sans rentrer dans les détails, qui parlait de certains prédicateurs et qui parlait de certains frères et il parlait de certaines sœurs. Et il leur reprochait une chose que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé, plus que cela, une chose qu'Allah azza wa jalla a aimé et a agréé, c'est-à-dire le fait de parler de cette noble religion et de rappeler les principes de cette noble religion à l'ensemble de la communauté. Je m'explique. Il disait dans cette vidéo, al-miskin al-jahil, cet ignorant, donc je peux me permettre de dire ça car je ne citerai pas son nom, ce n'est pas dans mes habitudes. Et je rappelle, on n'attaque pas mais on se défend. Il y a une très grande différence entre le fait d'attaquer et se défendre. Il parlait de certaines personnes qui soi-disant perdent leur temps. Perdent leur temps avec quoi? Avec ce genre de cours. Donc il ne m'a pas attaqué personnellement, mais il disait de façon générale. Et il disait, oui, c'est toujours le même discours, les mêmes prédicateurs qui parlent de la même chose. Donc c'est, regardez comment il parle, de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, d'un Qur'an al-Karim, de Mohammed alayhi abdallu salatu wassalam, de An-Nar, l'enfer, du paradis al-Jannah. Et il dit, c'est toujours les mêmes discours, donc le respect avec les parents, le respect avec le voisinage et tout ce qui s'en suit, hein, vous connaissez la suite. Et il parlait avec des propos ici qui négligent, ou alors plutôt qui rabaissent, wal'iyadu billah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Qui rabaisse, bien sûr, c'est ses propos plutôt qu'il veut rabaisser. D'accord? Sans savoir ou en le sachant, ça, c'est son problème entre lui et Allah. Walakin, il veut rabaisser, bien qu'il ne pourra jamais. Al-Qur'an, al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que ça, wal'ahibba, ça se dit? C'est le fait de négliger des péchés. Ou alors de diminuer ici l'importance de certaines actions, actes d'adoration. Ou alors, de ne pas prendre en considération comme il se doit les paroles d'Allah et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait simplement de dire oui, c'est toujours les mêmes discours. Chez beaucoup de prédicateurs, soit on parle du mariage, soit on parle des voisins, soit on parle, ya Abdallah, sais-tu ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur le voisinage? Ici, le prophète, qu'est-ce qu'il dit quand il parle du voisinage? Il parle du voisinage et il parle du paradis. Il parle du voisinage et il parle de l'enfer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Le prophète a juré trois fois. Qila wa man ya Rasulallah. Qui est au messager d'Allah? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, man la ya'manu jarun bawa'iqa. Celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Le prophète, il a juré par trois fois qu'il n'est pas croyant. Le prophète, alayhi salam, dit, la yadkhulul jannah man qati'. والحديث رواه الإمام مسلم ندخل pas au paradis celui qui a coupé les liens parentés. Et ensuite on va nous dire ça c'était toujours oui les mêmes sujets et pourquoi il ne parle pas assez de la Syrie, de la Palestine, de l'Afghanistan, de ce qui se passe un peu dans le monde. Ya Abdallah, chaque chose en son temps. Et c'est à cause de gens comme toi que ça se passe mal en Syrie, que ça se passe mal en Afghanistan, que ça se passe mal en Palestine. C'est à cause de gens comme toi égarés. La preuve de cela, Inna Allah Jalla wa Ala yaqul. Certes, Allah a dit dans le Coran al-Karim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que lui-même, Allah il n'a pas besoin de toi, ya Abdallah. Ici, Allah, il rappelle que personne, nul, ne connaît les armées de ton Seigneur, si ce n'est qui? Allah. Tu crois qu'Allah, il a besoin de toi, il veut quoi que ce soit, il dit, kun fayakun. Allah, il va plier les cieux et la terre avec sa main droite, au jour de la résurrection, il va dire, ana al-malik, aina al-jabbaroun, aina al-mutakabbiroun. Walakin Allah dit dans le Coran, wa ma khalaqatul jinna wal-insa illa li'abudun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Allah, il faut que tu l'adores. Et Allah il te dit, Abdallah, change ton état et Allah s'occupera du reste. Change ton état à toi. Certains disent, oui, mais ça veut dire ça, Allah ne change pas l'état d'un peuple. C'est-à-dire, ici, du bien vers le mal, tant que le peuple ne change pas son propre état. Ou d'autres disent, du mal vers le bien. Cheikh Ibn Baz, il dit les deux. C'est valable pour les deux. Allah ne change pas. لا يغير ما بقوم من خير إلى شر ومن شر إلى خير حتى يغير ما بأنفسهم. Du bien vers le mal ou du mal vers le bien tant qu'ils ne changent pas leur propre état. C'est-à-dire, quand il t'arrive un mal ou un bien, c'est toi qui as causé, d'accord, ce bien ou c'est toi qui as causé et provoqué ce mal, ya Abdallah. Change ton état. Et comment tu changes ton état? En apprenant à faire ta prière, en apprenant à faire tes ablutions, en apprenant à faire un dua. Comme ça, tu peux faire dua pour tes frères en Syrie, en Palestine. Tu sais peut-être même pas faire dua. Il y a des règles de bienséance. C'est une science. Et pourquoi pas, alors que le prophète dit, dua, huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Apprends à ne pas être parmi les gens du feu. En respectant tes voisins, oui. En ne pas coupant les liens de parenté. En ne pas touchant l'honneur ou sans toucher l'honneur de ton frère ou de ta sœur musulman et musulmane. Apprends tout cela. Et ça, c'est la religion. Et ensuite, il rajoute en disant, oui, ça c'est, maintenant, on voit toujours les mêmes ou des mêmes prédicateurs qui viennent devant des écrans, et il ne me visait pas moi-même, hein, particulièrement, mais, on va dire directement, peut-être il me visait indirectement. Voilà qu'il ne parlait pas de moi, il n'a pas cité mon nom, mais on voit quel type de personnes sont ces gens-là. Ceux qui ont un peu la pensée et qui prennent la voix des khawarij, wal'iyadu billah. Ceux qui disent, on n'a pas besoin des savants, ça nous suffit le Coran wa Sunnah, bifahmi salafi al-umma, on n'a pas besoin de aqwal al-ulama. Et ils ne cessent de dire ça, oui, c'est toujours les mêmes sujets, les parents, le mariage, ceci, mais ils ne parlent pas du djihad qu'il y a en Afghanistan et trucs. Et lui, il est en train de taper des yaourts vanifraises tous les jours, là, il est tranquille chez lui et il va nous faire des leçons de morale. Et ça, c'est ces gens-là, il y a l'ahibba qui disent, oui, ils aiment bien être habillés bien. D'accord? Entre guillemets, un peu bling bling, galek. Et ils aiment habillés bien avec de beaux habits et des beaux camis, etc. Subhanallah, est-ce que toi tu détestes ce que les compagnons aimaient, rapporté par l'imam muslim? Le prophète alayhi salatu wassalam, ils sont venus voir quand le prophète a dit, la yadkhulul jannah, man kana fi qalbihi, ou man kana fi qalbihi mithqala dharrati min kibr, ce ne rentrera pas au paradis celui qui a le poids d'un tome d'orgueil dans le cœur. Ils ont dit à Rasulallah, il y a des gens parmi nous, il y a celui qui aime quoi? Qui aime avoir de quoi? C'est eux, ils parlent de qui? Les compagnons, t'es mieux que toi. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal, ya Abdallah. Si tu crois que c'est ça, zuhd, tu t'es trompé, ya Abdallah. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, quand ils l'ont interrogé sur zuhd, l'ascétisme, il a dit quoi? Tarkul ma'asi. C'est ça l'ascétisme, le délaissement. C'est pas ici te forcer à avoir des habits craqués, troués, être sale, être... Non, non. Le vrai zuhd, avant tout, c'est, et ce n'est pas que ça, mais c'est tarkul ma'asi. Délaisse les actes de désobéissance. D'accord? Et ensuite, il y a d'autres explications. Mais c'est ça le principal. Ils ont dit quoi, ya Rasulallah, il y a l'homme qui aime bien avoir de belles sandales et de beaux habits. Le prophète a dit, c'est pas ça le kibr. Au contraire, al-aks. Inna Allah jamil wa yuhibbu al-jamal. Est-ce que toi tu n'aimes pas ce qui étaient les compagnons, ce qui aimaient les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum? Petite introduction très brève. Mais fawarab bil ka'ba, lourd en sens, wala nuzaki allahi ahada. Ici, c'est une petite introduction. Parce que ça suit quand même le cours du sujet. Pourquoi? Parce que pour certains, ce qu'on est en train de traiter, ce que je vais traiter, c'est des détails. Mais quand la personne traite ces sujets en profondeur, il se rend compte que ce n'est pas des détails et il n'y a pas d'épluchure dans la religion. Et il n'y a pas de détail dans la religion. Tout est important, mais il y a l'important le plus important. Ici, le prophète parle des signes de la fin des temps aussi. Et on va voir, peut-être certaines personnes vont dire ce signe, oui, mais c'est un détail. Peut-être que cette personne-là, à travers son jeu, aurait pu dire, oui, il parle de, oui, les règles du salam, comment passer le salam à son frère, etc. Voilà qu'il y a eu l'ahibba. Savez-vous ce qu'a dit le prophète juste sur le salam? Là, je fais cette introduction avant de parler du salam, parce que je sais que pour cette personne, si le respect des voisins, c'est un détail, c'est toujours la même chose, et on n'a pas besoin de répéter comme un disque, d'accord, qui se répète comme il le disait, donc on n'a pas besoin de traiter, a fortiori, on n'a pas besoin de traiter de ces sujets-là, qui est le salam. Ou alors, des sujets qui sont, écoutez bien, l'obscénité. Alors, on a parlé de l'obscénité, et on a dit que l'obscénité, ça fait partie des signes de la fin des temps. Et on a rappelé que qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wa salam, déteste les hommes obscènes, les hommes vulgaires. Mais quand vous entendez ces personnes-là, vous allez voir que quoi? Ils s'oublient eux-mêmes et ils parlent avec vulgarité, avec obscénité. Comme cette personne que j'ai entendue, wal'iyadu billah, les termes, Allah musta'an. Et ces gens-là n'ont pas honte de faire des vidéos qui vont être écoutées peut-être pendant des années par des milliers de personnes. Ça va être une hujja au jour de la résurrection. Pour ou contre, de façon générale. Allahu ta'ala a'lamu ahkam. Mais certains passages, fawa rabbil ka'ba contre eux, c'est clair. Parce que quand on parle avec obscénité, avec vulgarité, avec insulte, avec manque de respect énorme, au nom de la religion, c'est grave, yahi. Tu parles au nom de quoi? Au nom de la religion. Tu es en train de représenter les musulmans quelque part. Oui, tu vas dire, je ne suis pas représentant. Mais quelque part, tu vois, non, peut-être un musulman va tomber sur ton audio et il va t'entendre dire des choses. Et j'essaie de m'imaginer un langage soutenu pour vous faire comprendre ce qu'il disait. Et je peux même pas. Wallah, c'est trop un manque de respect, le fait de dire et même d'utiliser d'autres moyens et d'autres langages soutenus pour dire ces mêmes propos. Où sommes-nous, ayol ahibba? On a besoin de la science. Et on a besoin, il y a la hibba de sagesse. Et on a besoin de se réveiller comme il se doit. Et de ne pas se précipiter. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé, Akhabab ibn al-Arat, et le hadith est rapporté par al-Bukhari, quand il est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, et regardez, lui, il était dans une situation où il pouvait dire au prophète alayhi salatu wa salam, Ya Rasulallah, invoque Allah azza wa jalla pour nous. Parce qu'ils étaient opprimés, ils étaient vraiment oppressés, et ils ont patienté comme ni moi, ni toi ne pourra jamais patienter. Et quand tu te dis à Rasulallah, ça on ne peut plus, on veut se défendre, invoque Allah contre eux. Le prophète s'est mis en colère et il a dit, avant vous, il y avait des gens qu'on enterrait jusque la tête et on coupait leur tête en deux, ou on arrachait leur crâne avec des peignes en fer, et avec cela, ils ne reniaient pas leur foi. Mais vous vous précipitez. Mais qu'aurait dit le prophète s'il aurait vu les jeunes d'aujourd'hui, les excités d'aujourd'hui? Femmes et hommes, malheureusement, dans cette communauté, qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez, et qui se disent justiciers de je ne sais quoi et je ne sais qui, et qui font plus de mal que de bien, wa la hawla wa la quwwata illa billah, qui dénigrent le Coran, wa sunnah, wa l'ulama. Ayyuha al-ahibba, il est temps de se réveiller un peu, ayyuha al-ahibba. Et wallah fa wa rabbil ka'ba, c'est un conseil à moi le premier. Ici, restons dans les signes de la fin des temps. Et rappelons qu'il n'y a rien qui n'est à négliger dans cette religion. Le prophète alayhi salatu wa salam, il parle des signes de la fin des temps. Et il rappelle que ce qui fait partie des signes de la fin des temps, ici c'est taslim al-khassa. Et le hadith il est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed et authentifié par Ahmed Shakir, rahimahullah ta'ala. Il dit, bayna yadayhi sa'a taslim al-khassa. Il dit, avant la venue de l'heure, il y aura le fait de saluer des personnes en particulier. Ça veut dire quoi? On va le voir bi'idnillah azza wa jal. Et il dit, et la propagation du commerce, hatta yusharik al-mar'a zawjaha fi tijara. Jusqu'à ce que, ici, à tel point que la femme participera avec son mari au commerce. D'accord? Dans le commerce. Ça, c'est des signes de la fin des temps qu'on ne doit pas négliger, ayyuha al-ahibba. Et ici, on va prendre simplement la première partie. D'accord, qui pour certains peut-être paraîtront aussi être un détail, malheureusement. Parce que si certains sujets qui sont extrêmement importants, c'est des détails, que dire de ces sujets-là? Tout est important dans l'islam. La preuve de cela, regardez, juste on va prendre une partie du hadith. On va même pas prendre tout le hadith. Juste le fait de parler de passer le salam à son frère. Pour vous montrer que c'est une science. Le fait de passer le salam, ce sujet de comment passer le salam, c'est une science qui a été détaillé, c'est un sujet qui a été détaillé dans le Coran al-Karim, dans la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, expliqué par le prophète, par les sahaba radiyallahu anhu marab, jusqu'aux gens de science, ahlul ilm, ahlul khayr, au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ayyuhal ahibba. Ça fait partie des signes de la fin des temps. C'est-à-dire, taslimul khassa. C'est le salut particulier. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam en parle de ce salut particulier. Rapporté toujours par l'imam Ahmed dans son musnad. Le prophète dit, إن من أشرات الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. Ici, l'homme passera le salam à l'homme. Mais ici, il ne passera le salam qu'à ceux qu'il connaît. Ça veut dire qu'il va passer le salam. Mais il va passer le salam qu'à ceux qu'il connaît. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Et ça, c'est une chose réprimandée dans le Coran et dans la Sunna du Fahmi Salafi Umma, une chose qui est répandue au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Et les gens disent, il y a plus important. T'as pas compris, Abdallah, tant que t'as pas réglé ces problèmes-là, le plus important, qui est pour toi plus important, ne se réglera pas, car Allah, il a pas besoin de toi. Mais toi, t'as besoin d'Allah. Les gens ont besoin d'Allah. Allah demande une chose de toi. Et n'essaye pas ici de vaincre cette religion, car si tu essayes de prendre le dessus sur cette religion, ya Abdallah, elle te vaincra, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Toute personne qui rentre dans l'excès dans cette religion va le vaincre. Doucement, étape par étape, et il y a les priorités en islam, ya Ibadallah. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas penser à nos frères en Palestine qui sont opprimés, car nous, on est contre toute oppression. Vers musulmans et non-musulmans, on l'a déjà dit. La preuve de cela, j'ai fait toute une conférence sur la Palestine. J'ai fait un sermon du vendredi sur la Syrie. On parle de l'oppression de jour comme de nuit. Et on essaie de réformer, awwalan, nos propres personnes, et ensuite les frères et sœurs. Et on fait des invocations pour nos frères et sœurs opprimés dans le monde entier. Après, ne donnez pas des leçons de morale en disant, oui, mais vous pensez pas assez à la Syrie ou la Palestine, donc il faut faire quoi de plus? Il faut faire quoi de plus? Je comprends pas. Faut exporter les problèmes et sortir des armes et sortir dehors, et dès qu'on voit un juif, on lui tire dessus. C'est ça. C'est pour vous, c'est ça l'islam. Ça, on n'a rien à voir avec vous. Et ça, c'est les critères. Et ça, c'est les gens qui ont suivi la voie des Khawarij et des gens qui sont tombés dans un égarement pur et clair et qui ont tué des milliers de personnes depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'au jour d'aujourd'hui, et parmi eux, des milliers de musulmans. Qu'Allah nous préserve de cet égarement. Il y a des étapes à respecter, ayyuhal ahibba, au jour d'aujourd'hui. Et attention, ayyuhal ahibba, aux beaux parleurs qui parlent avec des paroles pour vous montrer comme quoi vous n'êtes rien et vous ne valez rien auprès d'Allah si vous n'avez pas leur pensée à eux. Et si vous n'êtes pas des grands guerriers virtuels, parce que c'est des guerriers virtuels, hein, ils sont toujours là, ils sont à côté de vous. Hein. Quelquefois vous allez voir, ils vous mettent un grand drapeau derrière leur tête, là il est là, Muhammad Rasulullah, avec des sortes de bretelles, comme j'avais vu la dernière fois, des bretelles. Yani, il veut faire montrer, à moi c'est des armes que j'ai, ou je sais pas ce qu'il veut faire croire, il veut montrer, regardez je suis à Tora Bora, alors qu'il a 10 mètres d'un kebab de chez lui. Subhanallah, t'es où toi, Abdallah? Regarde les pieds sur terre, t'es où? Zahmab, je suis dans une ambiance, regardez, wa qallah, qallah rasoul, wa, mais t'es où? Tu vas finir, tu vas aller taper un kebab. Comme moi, je suis pas en train de dire, comme certains disent, oui, mais ils parlent de gens qui boycottent. Et ils critiquent des gens qui boycottent. Mais négligence, comprenez bien les choses, ya ibadallah. Là, je prends des autoroutes parce que certaines personnes et beaucoup vont comprendre pourquoi je dis ça. Moi, je n'ai jamais dit dans un avis juridique, j'ordonne et je dis que c'est interdit de boire du Coca-Cola, par exemple. J'ai dit, il y a toujours une divergence. Certains savants disent que certains boycottages, il faut le faire. D'autres disent que non, il n'y a pas besoin de le faire. D'autres disent que c'est préférable. D'autres disent que c'est interdit. Je n'ai jamais dit comme quoi, ça, c'est clair, c'est interdit. Mais je critique des gens qui, pour eux, c'est incontestable. C'est obligé de boycotter. Il n'y a pas à chipoter, entre guillemets. Mais à côté de ça, il te tape des canettes de cola, et à côté de ça, il te dit, oui, toute personne qui aide les Américains, ou les Juifs, ou je ne sais qui, c'est un mécréant, c'est un égariste. Je parle de ces gens qui tombent dans des grands paradoxes. Donc faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Et faut pas tout mélanger. D'accord? Moi, je ne dis pas de choses que je ne fais pas. En tout cas, j'essaye de le faire. Et quand je fais des exhortations, sans fausse modestie ou sans, c'est pour moi le premier. Et là, quand je vous exhorte, je ne dis pas que je suis parfait, c'est pour moi le premier aussi. Et quand on essaie de faire avancer la Oumma, c'est pas parce que moi je suis devant, ou un prédicateur va être devant, ou un savant, c'est parce que nous, on essaie d'avancer avec ces exhortations et avec la Oumma. C'est pas nous, on est devant les gens, abadan. On essaie tous de s'entraider dans le bien, et dans la piété, et dans l'amour, et dans la fraternité, avec des conseils. Ah, mais les conseils, ayyuhal ahibba, ils ont des conditions. Et je renvoie tous les frères et les sœurs, sans fausse modestie, ou sans se prétendre pour je ne sais qui, ici, mais j'enjoins fermement, et je recommande fortement mes frères et sœurs, et qui nous écoutent ici en direct, d'écouter et de se concentrer du début jusqu'à la fin, bien que le son ne soit pas très très bien parce qu'on avait des problèmes de son, sur le sermon du vendredi concernant les conseils al-Nasa'ih. Avant de conseiller, écoute. Et j'ai cité les conditions du conseil, ce qui a été obligé, ou plutôt oublié par beaucoup de frères et sœurs. Al-Ikhlas, la sincérité, vouloir réunir les cœurs. Ah, il faut avoir cette attention quand tu conseilles. Ce n'est pas tu veux rabaisser ton frère, tu veux négliger, tu veux scandaliser. Non, tu veux le bien pour ton frère, tu veux réunir les cœurs, tu conseilles avec science. Tu cherches le moment opportun, tu parles toujours avec des paroles douces et tu réunis tous les textes et Abdallah qui vont t'apprendre comment le prophète alayhi salatu wassalam conseillait. Na'am ayyuhal ahibba, on a besoin de conseils sincères, véridiques, sages, posés, matures, mûrs de nos frères et sœurs et on a tous besoin de conseils. Continuons ayyuhal ahibba, le prophète alayhi salatu wassalam. Quand il parle ici des signes de la fin des temps, na'am, il parle du salam. Du salam. Et ça fait partie des signes de la fin des temps, na'am. Et c'est extrêmement grave de ne pas donner de l'importance à ce sujet. Na'am, vous allez voir pourquoi, car Allah en parle clairement dans le Coran et le prophète en parle clairement dans la sunna authentique et les sahaba ont mis en application comme il se doit ce sujet ici d'une façon exemplaire. Écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Il viendra, d'accord, un temps, donc, ou plutôt parmi les signes de la fin des temps, il y aura quoi? Il y aura l'homme qui va saluer un autre homme. Mais il ne saluera que celui qu'il connaît. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé ayyuhal ahibba qu'on doit saluer celui qu'on connaît, celui qu'on connaît pas. Là, je parle d'abord des musulmans. Et on va parler des non-musulmans après et on va citer les règles du salam dans les détails bi'idnillah azza wa jal. Là, on parle du musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle qu'on doit saluer celui qu'on connaît et celui qu'on connaît pas. Certes, il y a certaines personnes qui vont dire, et moi le premier. Quelquefois, je ne fais pas exprès. Je ne reconnais même pas certaines personnes, ou alors je n'arrive même pas à savoir si certaines personnes sont vraiment des musulmans ou pas. Ça, ce n'est pas pour dénigrer ou rabaisser, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on dit quelque part le, comment on peut appeler ça? Al-lihya. D'accord? Ce qui a été embelli pour les hommes. Et donc, Aïcha radiallahu anhu arda, elle disait, Subhanalladhi zayyana wujuha rijala bin liha. Gloire à celui qui a embelli le visage des hommes avec les barbes ou avec la barbe. Donc la barbe, ayyuhal ahibba, quand tu vois une personne, d'accord, qui a la barbe, en général, hein, qui est arabe, donc tu vois directement qu'il est musulman. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui, tu doutes, et je parle en particulièrement des gens qui n'ont pas la barbe. C'est pas parce que tu doutes parce qu'il a pas la barbe, c'est pas un musulman. Hacha lila abadan. Mais c'est parce que ici, il est typé, ou alors, on va pas dire il est typé, contrairement, on va dire il ressemble plus, d'accord, je parle physiquement, d'accord, il a un teint blanc, il va ressembler plus par exemple à un Italien ou à un Français, ça dépend de la contrée où il vit, mais tu as des doutes, mais s'il y avait la barbe, tu n'aurais aucun doute, c'est pour ça qu'on dit la barbe, c'est quand même quelque part un tampon, d'accord, qui montre, khlas, muslim, alhamdulillah. Là, je dis quelque part, ça veut pas dire que t'as la barbe, t'es pieux, t'as pas la barbe, t'es, ah, là maintenant on a vu que beaucoup de fois les balances se sont inversées. Il y a des gens qui ont la barbe, ils font le masaïb. Il y a des gens qui n'ont pas la barbe, fawarab bil ka'ba dans leur comportement. Masha'Allah, tabarakallah. Bien qu'on dit, la barbe reste obligatoire en islam. Qawlu rajih min ahli l'ilm. Ala kulli hal, continue avec moi, ya Abdallah. Ici, nous disons que quelquefois ça peut arriver, tu ne sais pas. Mais je parle de la majeure partie du temps où les gens, ils savent que c'est des musulmans. Soit ils ont honte, parce qu'il y a des gens qui les regardent. Ou soit parce qu'ils sont complexés. Ou soit parce qu'ils disent, non, moi ça m'intéresse. Je ne le connais pas, je ne salue pas. Et tout ceci, ayyuhal ahibba, c'est un égarement. Les trois exemples que je viens de citer ici, et les trois cas que je viens de citer ici, ce n'est qu'un pur égarement. Et la personne est gravement dans l'erreur. On va le voir pourquoi. Car, ayyuhal ahibba, il suffit de citer le hadith rapporté par Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu arda, très connu. Et ça nous rappelle, hein, ce que j'ai dit au début, ceux qui négligent. Et peut-être des gens vont dire, oui, mais c'est toujours pareil, le sujet salam, mais le salam, qu'est-ce qu'a dit le prophète sur le salam, ya Abdallah? Il dit, لا يدخلون الجنة أو لا تدخلون الجنة حتى jusqu'à ce que quand حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Regarde les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام. Il parle de quoi? الإيمان. Il parle de quoi? الجنة. Et il te dit, ah, tu veux ça? Il faut quoi? L'amour. Et tu veux ça, arriver ça, le paradis, la croyance, l'iman, l'amour. Afshu salam baynakum. Ah, passez-vous le salam. Le prophète Aïssoum a dit, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que, tant que vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cette foi ancrée en vous. Et vous ne serez véritablement croyant que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose qui, si vous la mettez en application, il y aura l'amour entre vous? Tahabbtum afshu salam baynakum. Passez-vous le salam. C'est la preuve que le salam provoque un amour fraternel. Pas n'importe quel amour. Suivez bien, un amour fraternel. Un amour de foi. D'accord? Et ici, cet amour fraternel de foi, ici, va être la cause que notre foi va augmenter. Et c'est des signes, ici, des croyants véridiques sincères. Et cette croyance va être une cause de notre entrée au paradis al-Jannah. Et la base, c'est quoi? Le fait de se passer le salam, tout simplement. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. Regardez, l'un va pas sans l'autre. أولا أدلكم. Voulez-vous que je vous indique? Ici, شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Tout simplement. Des choses qui sont négligées mais sont extrêmement importantes à l'Ahibba aux yeux d'Allah Azza wa Jal et du Prophète عليه الصلاة والسلام. Si nous voulons cet amour en Allah, cet amour fraternel, comme Allah l'a mentionné dans le Coran quand il dit إنما المؤمنون إخوة. Il parle de l'Iman. Les croyants ne sont que des frères. Al-ulama, ils disent ici que l'Iman, la foi, sans fraternité, c'est une foi diminuée. Parce qu'Allah, il a parlé des deux. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Les croyants sont que des frères. Et ils disent que ici, une fraternité sans foi et une foi sans fraternité, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'ils précisent, ils détaillent et ils disent la foi sans fraternité, tu as l'iman, mais il n'y a pas de fraternité, c'est une foi diminuée. Et ils disent de la fraternité sans iman, sans foi, ça c'est quoi, ayyuhal ahibba? Ça c'est une fraternité qui n'a rien à voir avec l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fraternité basée sur des intérêts. Et quand ces intérêts vont disparaître, cette fraternité va disparaître. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, al-ukhuwa al-imaniyya. C'est la fraternité de foi. Car Allah a dit, innama al-mu'minuna ikhwa. J'aime mon frère dans la foi. J'aime mon frère pour Allah. J'aime mon frère parce qu'il aime Allah. Mais je ne l'aime pas simplement parce que j'aime rigoler avec lui. Je me sens bien avec lui tout simplement. Et qu'il fasse des actes de désobéissance ou pas, je cautionne et j'agrée ses actes de désobéissance. Peu importe ce qu'il fait, je m'entends bien avec lui ou j'ai des intérêts avec lui. Non. Car quand ces intérêts vont disparaître, la fraternité va disparaître. Mais quand tu as une fraternité fondée sur l'iman, tu l'as choisi lui, parce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amak illa taqi, ne prends comme ami qu'un croyant, et ne mange ta nourriture qu'un pieux. Tu l'as choisi parce que c'est quoi? Il fait partie de ahlul iman, des gens de foi. Cette fraternité va durer ici-bas et dans l'au-delà, et ça va être une cause par laquelle Allah Azza wa Jal, Inch'Allah Ta'ala, il va t'ombrager de son ombre le jour où il y aura d'autres ombres que l'ombre de qui? Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est-à-dire l'ombre de son trône, Ar-Rahman. Le trône du miséricordieux. Na'am ayyuhal ahibba, c'est ça qui nous est demandé. Et si on veut cet amour en Allah, cette fraternité, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, afshu salam baynakum. L'importance de quoi? Du salam qui a été délaissé au jour d'aujourd'hui. Et le salam, il a des règles. Et ici, je vais vous résumer certaines règles qui ont été détaillées par les gens de science en réunissant an-nusus min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi alayhi salatu wassalam, les textes du Coran et de la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salati wa azka at-taslim. Et nous avons dit lors du dernier sermon du vendredi, pour ceux qui étaient présents et ceux qui ont écouté et ceux qui n'ont pas écouté, prochainement bi'idnillah azza wa jal, ce sermon qui me tenait à cœur va être mis sur le site inshallah ta'ala wa billahi tawfiq, c'est-à-dire al-wasat ou qul in shi'at al-wasatiyya, le juste milieu. Le juste milieu, ayyuhal ahibba, on ne pourra l'acquérir que lorsque la personne aura appris et aura compris et aura su réunir tous les textes, c'est-à-dire les textes coraniques et prophétiques avec une compréhension des ancêtres pieux, c'est-à-dire une compréhension saine dans un sujet. À ce moment-là, tu vas réussir à tomber dans ce qu'on appelle al-wasatiyya, yajma' أو يجب عليك إذا أردت الوسطية أن تجمع بين النصوص. Si tu veux vraiment l'ouassatiya, tu dois réunir entre les textes. Sinon, automatiquement, tu vas tomber dans un excès. C'est pour ça que tu vas travailler avec un hadith, tu vas dire, je suis perdu. Tu vas travailler avec un autre hadith, tu vas dire, ah, celui-là a fait ça, il est perdu, il a fait un péché. Ah, ou tu vas, mais quand tu vas réunir les textes, tu vas dire, ah, en fait, ce n'était pas un péché. C'était déconseillé. Ah, en fait, il n'est pas perdu parce que ce hadith, il a été abrogé. Ah, parce que tu as réussi à quoi? À réunir entre les textes. Ça va te permettre de rester dans le juste milieu. Et ne pas tomber dans un excès. Ni dans le fanatisme, et ni dans l'extrémisme. Tu seras entre les deux. Mais sans prendre du fanatisme et sans prendre de l'extrémisme. Mais en utilisant la voie qui est al-wasatiyya, qui n'a rien à voir avec le fanatisme, et rien à voir avec l'extrémisme, ou plutôt, afwan, rien à voir avec le laxisme. Excusez-moi, rien à voir avec le laxisme et rien à voir avec l'extrémisme. Maintenant, tu es sur le juste milieu, ce qu'on appelle al-wasatiyya et al-ahibba. Donc ici, nous disons, il faut réunir tous les textes. Et en réunissant tous les textes, ça nous permet d'avancer comme il se doit, en étant sûr de soi, bi-idnillahi azza wa jal, et sans se précipiter, et en restant sur la ligne droite de juste milieu. Avant ça, après qu'on ait rappelé rapidement ici l'importance du salam, le fait de dire assalamu alaikum, on va parler de assalamu alaikum, assalamu alayki, assalamu alayka, etc. Donc passer le salam, soit un groupe, soit une personne, soit un homme, soit une femme. Donc ici, on va maintenant rentrer un peu plus dans les détails. Allah Azza wa Jalla parle du salam dans le Coran al-Karim. Wa hadha ad-din, din as-salam. Et les anges, ils vont accueillir les pieux, les vertueux, en disant salamun alaykum et al-janna daru salam. Regardez le terme salam et salam ismun min asma'illahi azza wa jalla, c'est un nom parmi les noms d'Allah. Regardez le terme salam, combien de fois il revient. Allah, il parle de Nuh, salamun ala Nuh, il passe salam ala Ibrahim, salam ala Moussa wa Harun dans le Coran. Donc pour montrer l'importance de ce terme qui est salam, le salut, la paix. Et le prophète alayhi dit afshu salam baynakum, c'est une invocation. Donc, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, rahmallahu ta'ala, ghayru min ahli al-ilm, c'est, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il protège, pour qu'il préserve ton frère. Déjà, c'est une invocation. C'est comme si tu disais, Ya Rab, accorde la paix à mon frère. Allez, subhanallah, c'est une invocation. Donc, faut le vivre, le salam. C'est pas un salam d'hypocrite. Ce n'est pas un salam, ici, que tu dois faire avec le visage renfrogné ou alors noir. Non, mais il y a des règles de bienséance à suivre quand on passe le salam, car c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pourquoi pas, alors qu'Allah en parle dans le Coran et le prophète en parle dans la sunnah, tout ce qu'Allah a cité dans le Coran est extrêmement important. Et tout ce que le prophète a cité dans la sunnah, c'est extrêmement important, contrairement à ce que disent certains égarés. C'est toujours la même chose, le même dis. Wal'iyadu billah. J'ai bien peur que ces paroles, ayu al-ahibba, soient une hujja, un argument contre ces personnes-là. Au jour de la résurrection, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront en rien du tout. Même les regrets à Nadam te profiteront en rien du tout. Et le prophète, il a dit, كَالِمَا, une parole que le serviteur prononce et ne lui donne aucune importance. كَمَا جَعَا فِي الصَّحِي, alors que cette parole l'a plongé en enfer d'une distance de 70 années. Une parole. Et que dire de centaines de paroles, de dizaines de paroles, de milliers de paroles qui est écoutée par des milliers de personnes? Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de l'égarement. Et personne est à l'abri de l'erreur, et même moi le premier, même moi je fais des erreurs, comme le prophète alayhi salam l'a rappelé, kullu bani Adam khata. Tout enfant d'Adam fait des erreurs. Voilà, ce qui nous importe, c'est quand on parle ici au nom de la religion, on s'applique pour dire plus de bien que d'erreurs, c'est la moindre des choses. Amasser la personne, sur 100 paroles à chaque fois, il fait 80 erreurs et il dit 20 bonnes paroles, Allahumma musta'an ayyul ahibba. Donc c'est pour ça que on ne doit pas jouer avec cette religion. Et ce n'est pas une personne qui est très loin de la religion qui va minimiser, dénigrer le Coran et la Sunna, et ensuite qui va se plaindre pourquoi on dénigre le prophète. Toi, tu l'as dénigré avant que les autres le dénigrent. Et c'est toi la cause que les gens dénigrent le prophète. Et c'est toi la cause, ici, que l'islam et certains musulmans, et dans certaines contrées, les musulmans sont opprimés comme ils sont opprimés. C'est toi la cause. C'est toi qui n'arrêtes pas de parler et qui t'oublie toi-même et qui parle avec obscénité, ya Abdallah. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a parlé du salam et Allah a parlé du salam, et jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, et il nous rappelle que avant d'entrer chez quelqu'un ou chez soi, on doit saluer. Ensuite, on doit demander la permission d'entrer. Ensuite, si l'autorisation nous est donnée, la permission à l'Ibn nous est donnée, on peut rentrer. Regardez, c'est tout un art. C'est des règles à suivre. Et ce n'est pas, je fais comme je veux, quand je veux. Non, c'est clair, c'est cité dans le Coran, Kalamullah, des versets qui sont récités et qui sont ressuscités jusqu'au jour de la résurrection. Allah dit dans le Coran al-Karim, « Oh vous qui avez cru, « Ya ayyuhal ladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum » حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Allah عز وجل dit, oh vous qui croyez, donc ici c'est quoi? C'est un appel aux croyants. N'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate ici, de saluer, d'accord, et de saluer leurs habitants. D'accord? Donc Allah عز وجل dit, quand on rentre dans une maison qui n'est pas notre maison, d'accord, on doit d'abord saluer, ensuite demander la permission d'y entrer. Ou plutôt, et la permission d'y entrer. Parce que ici, Allah quand il dit, حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا, donc il parle d'abord ici de la permission, ensuite de saluer. Mais la preuve qu'on ne peut pas travailler qu'avec un verset. Mais on réunit les versets et les hadiths sur le même sujet. Et là, on va se rendre compte qu'on doit d'abord faire priorité au salam, à la salutation, et ensuite à la demande de permission. Et là, le wa, ça ne veut pas dire ici at-tartib, c'est-à-dire un ordre à respecter, mais ça veut dire simplement il y a ça et ça. D'accord? La preuve de cela, il y a dans plusieurs hadiths, et parmi ces hadiths, le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle que quand un compagnon est venu et il s'est rendu chez lui, ici, ce compagnon est rentré sans saluer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, retourne. Et il dit, assalamu alaykum, puis-je rentrer? D'accord? Donc il a d'abord commencé par le salam, ensuite il a dit, est-ce que je peux rentrer? Et plein d'ahadith authentiques qui nous rappellent que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que le sahaba a d'abord commencé par le assalamu alaykum, ou bien assalamu alayka, assalamu alayki, est-ce que je peux rentrer? Donc ça, c'est les règles à suivre. Donc quand tu veux rentrer chez quelqu'un, tu commences par assalamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que je peux rentrer? D'accord? C'est tout un art. C'est des règles de bienséance, de politesse, de adab, de comportement, de bienséance à respecter. Continue, ya Abdallah. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand tu entres chez toi, salue ta famille, ce sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. Et le hadith est authentique. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit, quand tu rentres chez toi, salue ta famille, les membres de ta famille. Et ça va être une cause de quoi? De la bénédiction. Al-Baraka. Regardez, le prophète Hassan dit, tu dis, assalamu alaykum, quand tu rentres chez toi. À ton épouse, à tes enfants, à ta famille, à tes parents, tu passes le salam. Et ça va être la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va bénir pour toi et pour ta famille. Ou ce sera une bénédiction pour toi et pour ta famille, comme a dit alayhi salatu wassalam. Première des choses, Allah en a parlé dans le Coran. Et il nous a dit qu'on doit d'abord, bien sûr, passer le salam, ensuite demander l'autorisation d'entrer en réunissant tous les textes, l'autorisation d'entrer, et quand tu dis salamu alaykum, c'est une bénédiction, une baraka pour toi et pour ta famille quand tu le dis en rentrant chez toi. Le jugement du salam, hukmu salam, hukmu taslim, ici quand tu dis assalamu alaykum, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est conseillé? Qawl al-rajih min ahli al-ilm, c'est que le fait de passer le salam, bien sûr, c'est une chose recommandée. C'est une chose qui relève de la sunnah. C'est une chose qui est demandée, mais ce n'est pas obligatoire. Certains gens de science disent que c'est obligatoire. D'autres, et al-jumhur, wallahu a'lam, ils disent que c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas. Donc c'est une chose qui est recommandée, mais pas obligatoire. Ça, c'est passer le salam. D'accord? Et ici, par contre, répondre au salam, ils disent que ça, c'est obligatoire. La preuve de cela, Allah le dit dans le Coran al-Karim de façon très claire. Donc ici, ils disent que ça reste un acte recommandé, mais quand la personne va le délaisser, il ne mérite pas d'être châtié, il n'a pas de péché. Mais la personne à qui on dit « Salamu alayka »,« Salamu alaykum », il ne répond pas, là c'est haram, ayyul ahibba, donc il mérite, donc il a un péché, il mérite d'avoir un péché, d'accord, donc un péché mérite d'être châtié, c'est Allah Azza wa Jalla, s'il veut lui pardonner, s'il veut, il ne lui pardonne pas. Mais c'est obligatoire pour lui de rendre le salam. Allah dit dans le Coran al-Karim de façon très claire, et regardez, il parle clairement Allah sur le salam dans le Coran et même dans les détails. Et il dit وَإِذَا حُيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. D'accord ? Inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Allah Azza wa Jalla dit, regardez comment il explique comment répondre au salam. Il dit, quand on vous passe le salam, d'accord, on vous passe la salutation, répondez, est-ce qu'il dit répondez ou alors répondez par quelque chose de meilleur ? Non, répondez par meilleur que ce qu'on vous a dit, d'accord, par meilleur. C'est-à-dire si on te dit assalamu alaykum, Allah il te dit réponds par wa alaykum salam wa rahmatullah. Al aqal, si tu peux dire wa barakatuh, c'est mieux. Si on dit assalamu alaykum wa rahmatullah, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'accord? Ici, ou alors, de la même, oui, Allah Azza wa Jalla dit ici, bi ahsana minha, ou bien, répond au même niveau, au même degré. Assalamu alaykum wa rahmatullah, alaykum salam wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa alaykum salam. D'accord? Mais quand on dit assalamu alaykum wa rahmatullah, ne dis pas wa alaykum salam. D'accord? Donc, soit tu réponds du meilleure façon, ou soit de la même, ou soit de la même façon. Et, voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré l'importance de répondre et al-amru lil wujub, l'ordre indique le caractère obligatoire de la chose, il nous ordonne de répondre, non seulement de répondre, mais de répondre d'une meilleure façon. Ou bien, de la même manière, ça c'est le minimum. C'est pour ça qu'il a fait priorité au fait de répondre d'une meilleure façon, d'accord, sur le fait de répondre comme le salut t'a été passé, c'est-à-dire de la même manière. Continue. Maintenant, une personne va nous dire, oui mais... moi, je suis en conflit avec une personne. Comment dois-je réagir? Nous disons, d'abord, que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a interdit de rester en conflit avec son frère plus de 3 jours, sauf, quand il y a une excuse religieusement parlée. Attention, ce n'est pas n'importe qui, parce que maintenant, tous les juhal, ils vont venir te dire, moi, j'ai une raison religieusement parlée. Quand tu vas dire, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. D'accord? Nous, on ne veut pas de chubuhat d'ambiguïté. Montre-moi clairement, parce que ce n'est pas une mince affaire. La preuve que tu as pour ne pas répondre au salam ou pas passer au salam à une tierce personne. Faut que ça soit vraiment fondé. Que ce soit vraiment une personne qui est reconnue pour être un grand fatan, un grand fauteur de troubles, une gangrène énorme ou un cancer ou un virus énorme pour la communauté. Le cautionner ne fera qu'apporter du grand mal. Donc ici, il y a certains cas, oui. Mais quand tu n'as pas de raison, voilà, et tu sais très bien que le fait de ne pas passer ou répondre au salam ne va pas réformer ou être la cause de la réforme de ton frère, mais pire, ça va empirer son cas, donc à ce moment-là, non, pas d'excuse. Donc ici, nous disons, quand tu te disputes, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, tu n'as pas le droit de quoi? De mépriser, de te détourner de ton frère plus de 3 jours. D'accord? Donc tu ne peux pas plus de 3 jours. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le meilleur, c'est qui? Man bada'a bis salam. Celui qui a commencé par le salam. Ça, c'est le meilleur. Donc, ça veut dire, si tu es en conflit plus de 3 jours, vous savez que le prophète Aïssam, il a dit que les œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils sont présentés, les œuvres auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et quand Allah Azza wa Jalla, il pardonne les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés ou pas? Et quand les œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés, sauf à qui? À celui qui a associé quelque chose ou qui que ce soit ou quoi que ce soit à Allah Azza wa Jalla. Et parmi ces gens-là qui ne pardonnent pas, 2 personnes qui sont en conflit jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Ce n'est pas une mince affaire. Donc quelqu'un va dire, je ne veux pas être parmi ces personnes-là. En fait, il a dit, commence par le salam. Mais khlas, je commence par le salam, mais il ne me répond pas le salam. La réponse est dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. En fait, il a dit, commence par le salam, t'as tiré ta responsabilité. Khlas. Et ici, c'est lui qui endosse le châtiment et tout ce qui s'ensuit. Ou le fait de mériter le châtiment et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire de ne pas être pardonné, si Allah ne peut pas le pardonner, etc. Toi, t'as tiré ta responsabilité en plus. Le prophète, il a dit, Al-Malaika, il y a un ange ou des anges qui te répondent, et lui, c'est qui lui répond? Al-Shaytan, le diable lui répond, wal-iyadu billah. Clair? Donc, quand il y a une dispute, le prophète, alayhi salam, nous rappelle que quoi? C'est quoi qui va créer la réconciliation? Al-Salam. Le prophète, il a dit, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuh, tahababtum, afshu salam baynakum. Même lors de la dispute, on va dire la solution, al-ou, le salam. Et celui qui ne veut pas le salam, c'est qui ne veut pas la réconciliation, tu vas tirer ta responsabilité. Mais le prophète, il nous rappelle encore, dispute, le salam, voilà la solution. Subhanallah. Une chose qu'on ne doit pas négliger, ça c'est lors des disputes. Ici, le salam est tellement important que le prophète, alayhi salatu wassalam, a rappelé que c'était une dua que tu faisais, une invocation. Il y a le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, as-salam, et ça fait partie des meilleures des actions en islam. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, selon dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait, dans l'islam, la meilleure des actions à accomplir, c'est de donner à manger aux pauvres. D'accord? Quand un homme l'a interrogé, il dit, dans l'islam, quelle est la meilleure des actions? Il dit, dans l'islam, la meilleure des actions, at'imu ta'am. D'accord? C'est de nourrir le pauvre. Et il dit, d'adresser le salam à ce que tu connais, comme à ce que tu ne connais pas. Alors que le compagnon l'a interrogé, le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il lui a dit quoi? Dans l'islam, quelle est la meilleure des actions à accomplir? Et ce hadith, il est ici qualitatif, il n'est pas quantitatif. C'est-à-dire, c'est parmi les meilleures des actions, ça fait partie des meilleures des actions en islam. Nourrir le pauvre et passer le salam dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim à ceux que tu connais, écoute, et à ceux que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu wa an abi, il est rapporté qu'il faisait quoi? Tellement qu'il savait qu'il y avait beaucoup de récompenses dans le salam, il allait au marché juste parce qu'il savait qu'il y avait du monde et pour serrer la main aux gens. Passer le salam aux gens pour prendre beaucoup de hasanat. Car vous savez que le prophète, il a dit quand deux musulmans se rencontrent et ils se serrent la main, pendant qu'ils se serrent la main comme ça, il y a quoi qui tombe? Il y a les péchés qui tombent, comme les feuilles d'un arbre qui tombent. Les péchés, ils tombent pendant que tu lui serres la main. Regardez, subhanallah, tout ce que, ou tous les bienfaits, al-fada'il, les mérites qu'il y a dans le salam. Tu serres la main à ton frère comme ça, les péchés tombent. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit dans un autre hadith, ici, qui est rapporté par Abu Daoud, et d'autres authentifiés par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lorsque deux musulmans se serrent la main, leurs pommes ne se séparent pas, d'accord? Leurs pommes ne se séparent pas avant qu'Allah Azza wa Jal ne leur ait pardonné. Tu lui serres la main, ta pomme ne s'est même pas séparée qu'Allah t'a pardonné. Tu lui serres la main, tu bouges ta main, les péchés ils tombent. Tu lui dis salam alaikum, ça rajoute de l'amour et de la fraternité entre vous. C'est une sunna, c'est un acte recommandé, c'est un acte aimé. Abdullah ibn Umar, il allait chercher ses hasanat et il voulait voir ses péchés pardonnés et tomber. Il allait dans les marchés juste pour serrer la main à tout le monde, dire salam alaikum, au jour où les gens, ils prennent la fuite de leur frère pour pas serrer la main à son frère. Alors que peut-être il prie avec lui dans le même saf. Alors qu'il n'a aucune raison, il suit ses passions. Et il délaisse ses montagnes de hasanat, dû à cause de quoi? Soit l'orgueil, ou soit certains critères de l'orgueil, ou soit parce qu'il ressemble à des orgueilleux, wal'iyadu billah. Après on dit, mais pourquoi la Syrie? Mais pourquoi? Toi tu veux aimer tes frères en Syrie alors que t'arrives même pas à aimer ton frère qui est à 2 mètres de toi dans le même sort de la prière. Donc ici que chacun reste à sa place. Il faut pas brûler les étapes et il y a des priorités ici à respecter en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a même conseillé non seulement de passer le salam, d'accord? On a dit raddu salam, c'est répondre au salam, c'est obligatoire. Passer bien sûr celui qui ne le passe pas. Ici, en soi-même ce n'est pas obligatoire chez la majeure partie des gens de science. Walakin, si tu ne le fais pas parce que tu ne parles plus à ton frère, ah, là ça engendre d'autres choses, ça engendre bien sûr le fait de mériter le péché si tu n'as aucune raison de le faire. Ça c'est autre chose, mais je parle en soi-même. D'accord? Le prophète il dit non seulement, il recommande de passer le salam, mais même de le refaire une deuxième fois, une troisième, cinquième, dixième, vingtième fois. Juste si tu vois qu'il y a une certaine séparation entre toi et ton frère. Comme le prophète alayhi salatu wasalam il dit, quand même les musulmans se séparent, les frères se séparent, un bref instant, ou alors ils sont séparés par un arbre, ou par un mur, ou par une pierre, et ils se rencontrent à nouveau, qu'ils répètent, assalamu alaikum. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, toi tu es dans une pièce, tu sors de la pièce, pour aller prendre je ne sais quoi, ou quelque chose, tu reviens, ça y est, tu t'es séparé, tu reviens, tu redis encore, assalamu alaikum. Regardez, pourquoi il nous pousse, le prophète alayhi salatu wassalam, pour gaspiller notre salive, tout simplement? Afshu salam abaynakum. Car le prophète, il ne veut que notre bien. Et il sait que dans le salam, de dire assalamu alaykum, il y a beaucoup de khair, il y a beaucoup de bien. Et ça, c'est les causes ou parmi les causes qui vont faire qu'il y aura al-ukhuwa, al-imaniya bayn al-muslimin, bayn al-muwahidin. Ça, simplement une chose qui a été négligée par les musulmans et les musulmans, le fait de dire assalamu alaykum. Le prophète, il dit, tu le dis, tu te sépares un peu, tu reviens, répète-le. D'accord? Ça ne veut pas dire tu marches ici, hop, tu passes, hop, il y a un pilier qui vous sépare, salam alaikum, salam alaikum, salam. Non. Mais c'est-à-dire que dès que tu sens qu'il y a eu une séparation, ah, il a quitté la pièce, il est re-rentré. D'accord? Il s'est très éloigné, il revient. On sent, ça c'est une chose connue. Juste une petite séparation entre toi et lui, il revient, repasse le salam. Et ça, ça fait partie de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Le salam, c'est quelque chose de tellement beau que quand on le dit, il faut pas tout gâcher. D'accord? Faut pas gâcher tout. Le fait qu'il renferme énormément de trésors et de bienfaits, de mérites et de récompenses, ne dit pas salam alaykoum avec le visage noir. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam dit comme dit dans le sahih, ici, ne néglige aucune action. D'accord? Ne néglige aucune action. Dans le bien, dans le convenable, ne néglige, d'accord, aucune bonne action ou aucune action. وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. Ici, ne serait-ce que de rencontrer, ou même le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu. D'accord? Donc ici, quand tu passes le salam, n'oublie pas que le prophète a dit rencontrer son frère avec un visage détendu. N'oublie pas que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le sourire sur le visage de ton frère, c'est une sadaqa, c'est une aumône, c'est une ibad. Donc quand tu passes le salam, assalamu alaykum. Et quand tu vois des frères que tu ne connais pas, dis salamu alaykum. Et toi ma sœur, surtout les frères et les sœurs, investis, je dis bien, de façon apparente dans l'islam. Donc ici, ne passe pas, toi ma sœur, devant des sœurs, même que tu ne connais pas, sans dire salamu alaykum. Et toi pareil, ou salamu alaykum, si c'est des femmes. Et toi mon frère, salamu alaykum. Donc on se doit de montrer le bon exemple, et ça va faire que rajouter de l'amour entre nous, surtout si on a bien compris c'est quoi l'importance de ce salam. Et combien de gens se disent salam alaykum pendant des années et des années, et ici ils ne donnent pas de l'importance, ils ne méditent pas quant à ce salut, cette salutation islamique dont Allah en a parlé, le prophète alayhi salatu wasalam en a parlé dans la sunna authentique. Donc avec un visage détendu. Et certes ce n'est pas toujours facile, mais les gens qui craignent Allah azza wa jal et qui savent que c'est une ibada, un acte d'adoration, ils vont le faire. Parce qu'il y a des gens qui croient que certaines personnes croient, parce qu'ils voient d'autres personnes toujours bien habillées, sourire, rigoler tout le temps, ils croient que yani chez lui c'est la vie en rose. Qu'il n'a jamais, il n'a pas de problème, ni de santé, ni dans sa famille, ni dans sa religion, ni il n'a rien. Alors que je vous dis, je vous assure, beaucoup de gens se trompent. Il y a des personnes, parce qu'il y a des gens qui disent, mais je suis énervé aujourd'hui, les lunatiques. Parce qu'ils croient que celui qui sourit devant lui, d'accord, de jour comme de nuit, et pendant des semaines, et pendant des mois, et pendant des années, lui, il n'a jamais eu de problème. Peut-être que toi, tu n'en as pas eu le tiers du tiers du tiers des problèmes qu'il a eu lui. Et peut-être ton problème ou tous les problèmes que tu as eu dans ta vie, ici, ça ne vaut même pas les problèmes qu'il a eu lui dans une semaine. Donc faut pas se fier aux apparences, voir quelqu'un qui sourit. Il y a des gens qui sourient, voilà, qui, si tu rentres dans leur cerveau ou dans leur corps, tu prendras la fuite, ya Abdallah, tu ne pourras même pas rester plus de deux minutes, tellement que sa bouche et lui, sa boue dans son cerveau, il est rempli d'épreuves mesquines. Ou bien mesquines, hein. Voilà qui est patient. Et ils ne veulent pas se montrer et se plaindre de jour comme de nuit. Donc faut pas se fier aux apparences, et lui, al-ahib. Et c'est pas parce que quelqu'un a souri tout le temps, on va dire, ouais, mais lui, c'est normal, il n'a pas de problème. Ah, ben, ne vous trompez pas. Mais au contraire, ça c'est un signe de piété. Et sûrement lui, il a plus de problèmes que toi, mais lui, il a mieux compris la religion que toi. Certes, il y a des fois où c'est dur. Et ça arrive à tout le monde, et moi le premier. Mais le croyant doit prendre le dessus. Et ne jamais extérioriser. Et surtout, rappeler à son frère s'il voit qu'il a été trop sec avec lui, smahli. Si je suis comme ça, c'est parce que, voilà, je ne suis pas trop bien. Mais se rattraper. Parce que combien de jeunes et combien de gens, wallah, ils vous parlent par expérience, ils ont eu un dégoût. Certes, ça ne sera pas excusable peut-être pour aujourd'hui la résurrection. Peut-être ça aurait été une cause. Il a été dégoûté de la religion parce qu'il dit, et moi j'ai entendu plusieurs fois ça. Oui, il y a des frères qui passent, ils ne passent pas le salam. Je ne parle pas des gens qui sont un peu, hein, excuse-moi du terme, mkharkhar dans la tête. D'accord, ils sont remplis de wassa, oui, salam alaikum, tu m'as pas souri. Parce qu'il dit, je t'ai même pas vu mon frère. Non, je te vois à chaque fois, ça fait trois semaines, tu me serres pas la main, tu me passes pas le salam. Et le frère, il lui dit, wallah, moi je t'aime mon frère, il n'y a aucun problème. J'ai pas fait attention. Non, je crois pas. Et ouais, frère, oh, prends le mur et tape contre le mur avec tout le respect que je te dois. Je vais te faire quoi? Si je te fais comprendre que, non, ce n'est pas vrai, je t'explique. Le prophète, il a dit, ton frère te dit une information, crois-le. Non, je te crois pas. Et ouais, frère, je vais faire quoi? Je vais t'embrasser les pieds. Faut pas rentrer dans l'exagération aussi. Mais il y a des frères, c'est une réalité. Il y a des frères, c'est une réalité. Passe jamais le salam. Il passe devant toi, il a du mal à dire salam alaikum. Ou alors c'est un mélange, c'est une soupe. Tu ne comprends même pas, sans. Pourquoi? Parce qu'il a de l'orgueil de dire salam alaikum. Et on en connaît. Et on en a vu plein dans notre vie, alhamdoulilah. Par expérience, je dis ça. Et ici, il ne sait pas qu'il est en train de mâcher le nom d'Allah. Assalam. Et qu'il est en train de, ici, déformer une invocation de dua. Il est en train de négliger un acte d'adoration. Une ibada. Assalamu alaikum. Et tu dois dire clairement, ya Abdallah. Et si ton nefs n'accepte pas, et bah combat ton nefs. Et si tu n'as pas combattu ton nefs, sache que quelque part tu es esclave de ta propre âme, incitatrice au mal. An-nafs la ammaratun bisou. À toi de te corriger et à nous de se corriger, ayyuhal ahibba. Donc nous disons, as-salam, c'est une chose à ne pas négliger. Et quand on passe le salam, c'est avec le visage détendu et avec le sourire. Et quand c'est de temps en temps un frère qui a une négligence, on va pas dire tout de suite, ah ça, il passe pas le salam, c'est un égaré, il veut pas l'amour. Non. Faut pas brûler les étapes. Et il faut toujours avoir la bonne opinion de notre frère et notre sœur. Et ici, trouve toujours, comme disaient les salafs, une excuse à ton frère. Et si tu n'en trouves pas, dis-toi, il en a sûrement une que je ne connais pas. D'accord? Et je ne dis pas, hein, Ahlul Fitan, ils font des fitans jour et nuit. Tous les exemples, ils ne veulent pas se réformer. Ah, non, les salafs, ils disaient, trouve toujours une excuse à ton frère. Vous voyez comment on s'écarte du juste milieu quand on ne réunit pas les textes? C'est pour ça qu'on demande et on interroge les gens sages et les gens qui ont un minimum de science quand on se retrouve dans des situations très délicates et des sujets très sensibles. Ce n'est pas n'importe qui traite les sujets sensibles à l'Ayyuhal Ahibba. Il faut avoir un esprit très large et parler avec de la science. Et quand on n'a pas assez de science, de demander aux gens de science ou aux savants ou aux personnes qui sont au-dessus de nous dans la sagesse et dans la science. Donc ici, un visage détendu. Qui salue le premier? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a montré clairement. Et il dit, le cavalier doit le salut au piéton. Et regardez, le salam, ici, ça nous pousse à être modeste, à être humble. Et regardez, la meilleure des créatures, Mohammed alayhi salatu wassalam, il saluait non seulement le premier, parce que le prophète a dit le meilleur entre vous, c'est celui qui salue le premier. Et celui qui a le plus de récompense, c'est celui qui salue le premier, de façon générale. Mais en plus de cela, ici, le prophète saluait le premier, qui? Les enfants. Alayhi salatu wassalam. Les enfants, il voyait des enfants, c'était lui qui saluait le premier les enfants. Il voyait des petits. Nous, on va dire, ba'd manana, trop le dark, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ba'd alayna, on est en train de parler de... Les enfants, les atfal, ar-rahmatul muhda. Il commençait, kana yabda bis salam, bil atfal avec les enfants, assalamu alaykum, il riait avec eux. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il se laissait traîner par la petite fille. D'accord? Ici, par la main, dans les rues de Médine. Elle le prenait par la main et elle le poussait, le prophète, et il suivait. Comme ça, le prophète, alayhi salam, dans les rues de Médine. Alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salam, faisait sujoud. Et il ne se levait pas avant que qui? Ah, ses petits neveux, Al-Hassan ou Al-Hussein, ils arrêtaient de jouer sur son dos. Alors que c'est lui qui a dit que, et qui a rappelé que la meilleure, ou le meilleur des actes d'adoration, ba'd at-tawhid, c'est as-salah. Et il a dit, c'est la prêcheur de mes yeux, as-salah. Et avec ça, il se relevait. Il les laissait jouer, hop, il se relevait. Alayhi salatu wassalam. Et là encore, on réunit entre les textes. Ça ne veut pas dire qu'on peut laisser les enfants dans les mosquées faire n'importe quoi. Non. Ici, ça ne veut pas dire qu'ils criaient, qu'ils cassaient, qu'ils... Non. Et on a déjà parlé de ce sujet-là. Donc, on est toujours dans Al-Wasatiyya. Et c'est ce qui est demandé à Ibrahim dans cette noble religion. On continue. Ici, le prophète, il a dit, le cavalier doit le saluer au piéton. Regardez, pour pousser à quoi? À Tawadu. Donc, il est au-dessus. Le piéton, il est en-dessous. Donc, c'est qui commence? Le cavalier. Ça te pousse à te rabaisser. Ensuite, il dit, le piéton, le doigt à celui qui est assis. Celui qui marche, il commence à saluer celui qui est assis. Parce que regarde, tu marches, tu vois quelqu'un en dessous de toi, tu commences par salam, ah, ça te rabaisse aussi. Regardez, subhanallah, la preuve que c'est un art. Le salam, c'est un art. C'est pas simplement dire, oui, je connais. Non, c'est un art. Il faut méditer. Il faut bien comprendre. Le salam, comme ça va te servir toute ta vie, bi'idnillah azza wa jal. Et il dit, alayhi salatu wassalam, ici, il rappelle aussi que le petit groupe doit saluer, d'accord, le groupe le plus nombreux. Quand il y a un petit groupe et un grand groupe, le petit groupe, par respect, il salue le plus grand des groupes. On a dit un visage détendu, on a montré qui salue le premier, et ici, le salut entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'on a le droit de saluer les femmes aussi? Est-ce que la femme a le droit de saluer l'homme? Non. Les textes, ici, coraniques et prophétiques, quand ils parlent du salam, c'est âme, c'est général. Et quand on a un texte coranique ou prophétique où Allah s'adresse, où le prophète alayhi salam s'adresse à l'homme, c'est valable pour l'homme et pour la femme, tant qu'il n'y a pas un tarsis, une spécification, pour l'homme ou pour la femme. Donc là, on n'en a pas dans les textes clairs, la parole prépondérante des gens de science, on n'en a pas, mais certains gens de science ont dit, dans certains cas, on ne salue pas. Bien au contraire, on a des textes qui montrent, comme dans le Bukhari, où le prophète alayhi salam saluait les femmes. Et il y a plein de textes où le prophète et les salaf saluaient les femmes. Et que les femmes du prophète alayhi salam parlaient avec des hommes. Il y a plein de textes, mais d'une certaine manière. Comme Allah azza wa jalla dit, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. quand vous leur demandez quoi que ce soit, demandez-leur. Il n'y a pas de mal. Les femmes, ils parlaient avec les hommes. Ils demandaient des questions religieuses. Ce n'est pas pour n'importe quoi. Ah, ce n'est pas pour n'importe quoi. C'était pour des questions religieuses. Des choses bénéfiques. Il y avait un intérêt. Mais de demander-leur de quoi? De derrière un voile, un hijab, un rideau. D'accord? Donc il y a une certaine façon. Mais dire pareil, il n'y a pas de problème. Le salam, dans le Bukhari, il y avait une vieille femme qui allait ici arracher des racines d'épinards ou de branches et elle les faisait ensuite bouillir dans une marmite. Et qu'elle broyait avec des grains d'orge. Et lorsque nous avions accompli la prière du vendredi, vous connaissez ce hadith, après la prière du vendredi, nous rentrions chez nous et la saluions tout le temps au passage. Donc tout le temps, il la saluait cette femme au passage. D'accord? Et elle nous servait alors ici de ce repas. Donc il saluait. Walakin al-ulama, ils ont dit, et parmi eux Abu Dhar, il disait, je posais la question de la salutation des femmes à Atta, et il me répondit, s'il y a un risque de corruption ou de fitna, la réponse est non. Et il y a beaucoup de savants qui disent que quand on se retrouve, comme parmi les contemporains, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah et d'autres, ils disent que quand on voit qu'il y a un risque de fitna, donc à ce moment-là, on évite. D'accord? Bien qu'à la base, il n'y a pas de texte qui est interdit, mais on évite. Et ça, c'est la parole de beaucoup de gens de science. Donc, on sait très bien, je vous ai déjà donné l'exemple, quand surtout une femme rentre chez vous, il y a votre épouse et autres, elle dit salam alaykoum, vous dites alaykoum salam, c'est sain. Mais quand vous allez passer, et surtout aujourd'hui avec les mentalités, beaucoup de certains et certaines, et je ne généralise pas, mais il y en a beaucoup qui sont déplacés, vous allez passer par exemple, je sais pas, dans un centre commercial, trois sœurs avec le hijab passent devant vous, et vous passez salam alaykoum. Khlas. Ça y est, la bombe elle est partie. Il nous a parlé, il nous a regardé, il nous a souri, il nous a passé le salam, il voulait prendre, vous savez comment ça. Donc ici, à l'homme, il dit, oh, bah, j'ai lu un hadith, salam alaykoum, je passe salam alaykoum, j'ai rien dit. Donc vous voyez, quelquefois, vous allez sentir que ça peut être sensible. À ce moment-là, ici, délaisser, c'est mieux. Mais quand vous voyez que c'est une ambiance saine, il y a un respect, les gens ont compris, il n'y a pas de problème. Et ici, à la base, il n'y a pas de mal de passer le salam. Quand c'est dans une ambiance saine, et hop, il n'y a pas de problème. On a parlé avec une femme pour un intérêt. Bien sûr, avec les conditions requises, pas qu'il y ait une khalwa, une intimité, c'est-à-dire un isolement dans une pièce fermée, car une fois qu'elle dit le troisième shaitan, il y a un intérêt. Ah, ça c'est autorisé, comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'ont fait, comme les compagnons l'ont fait, et dans plusieurs hadiths, ceci est cité. Et concernant la salutation, on parle même de la salutation envers غير المسلمين, les non-musulmans. من يبدا بالسلام. Et est-ce qu'on a droit de rendre le salam? Ici, c'est la parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyah. Il dit ici que commencer, car le prophète Hassan l'a dit, de ne pas commencer, d'accord, par saluer, passer le salam, d'accord, aux gens qui ne font pas partie de l'islam. Donc ici, ils disent que ce n'est pas le bonjour, bonsoir, comment allez-vous, d'accord, ce qui est dans, connu, d'accord, chez les gens, mais là on parle du salam, assalamu alaykoum, d'accord, en alliant tous les textes. Ça veut dire que tu ne commences pas en disant salam alaykoum. Mais commencer à dire bonjour ou bonsoir et tu commences, surtout comme il dit Ibn Qayyim, quand tu sais qu'il y a un intérêt de le faire, ou il y a une crainte d'un préjudice et autre, il n'y a pas de mal de le faire. D'accord? Amma, commencer en disant salam alaykoum, salutation islamique, non. D'accord? On est d'accord. Maintenant, si eux, ils te passent le salam et ils disent bonjour ou bonsoir, réponds bonjour ou bonsoir ou au revoir. Ce que tu veux. Mais s'ils disent assalamu alaykoum, un non-musulman, قول الراجح, la généralité du hadith, tu réponds et tu dis wa alaykoum salam. Certains gens de science disent, tu dis que wa alaykoum. Pourquoi? Le hadith rapporté par Muslim, où le prophète alayhi salatu wa sallam, rahtun, يعني من اليهود دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أو استأذنوا, ils ont demandé la permission entre chez le prophète عليه الصلاة والسلام, et ils ont eu l'autorisation et ils ont dit, donc il y a un groupe qui a dit assalamu alayka, d'accord, ils ont dit que la mort, ils ont fait un jeu de mots, ils ont dit salam, ils ont dit salam, la mort ou le poison soit sur toi. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, quand il a vu Aïcha s'énerver dire que la mort et la malédiction soient sur vous, etc., le prophète عليه الصلاة والسلام a dit doucement ya Aïcha, إِنَّ اللَّهَ رَفِقُ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِ. Allah, il est indulgent, d'où il aime la douceur dans toutes choses. Elle dit, tu réponds toujours ce qu'ils ont dit. Il a dit, si, mais moi j'ai répondu quoi? Il a répondu quoi, le prophète? Wa alaykum. Donc de là, les savants, ils ont dit, comme le prophète Aïssam, il a dit, wa alaykum, donc on s'en tient à la réponse du prophète. Peu importe ce qu'ils nous disent, on dit wa alaykum. Par crainte qu'ils ne fassent un jeu de mots et qu'ils nous disent assalam wa alaykum. D'accord? Walakin, pour allier, ici, les gens de science, comme Ibn Qayyim al-Jawziyah, rahimahullah ta'ala, il a dit, quand tu es sûr, ou tu as un doute qu'ils ont fait un jeu de mots, il dit, assalamu alayka, dis wa alaykum. Mais quand tu es sûr qu'ils ont dit salam wa alaykum, tu prends la généralité des textes et tu réponds au salam comme ils t'ont répondu et tu dis wa alaykum assalam. Clair? Et ça, c'est la parole prépondérante. Et bien sûr, il n'y a pas unanimité des gens de science. Ça, c'est la parole d'Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala. Et pour en arriver à la fin, la salutation au singulier ou au pluriel. Est-ce qu'on dit, quand tu parles à shakhs wahid, assalamu alayka, ou, yani, fil mu'annath, assalamu alayki, ou bien tu dis assalamu alaykum, ou assalamu alaykun, pour des femmes. Ici, les gens de science disent, il n'y a pas de mal de dire assalamu alaykum dans tous les cas. Mais certains gens de science, et ça c'est connu comme Cheikh Al-Uthaym rahimahullah ta'ala et d'autres, ils disent comme quoi le mieux d'après les textes, c'est que quand c'est une seule personne, tu dis assalamu alayka ou bien assalamu alayki. Et quand c'est deux, Cheikh Al-Uthaym dit même deux personnes ou trois, il dit même à partir de deux, tu peux dire assalamu alaykum. Bien qu'ils disent qu'il n'y a pas de mal de dire assalamu alaykum dans tous les cas. Mais ils disent tu restes dans assalamu alayka quand c'est un homme, assalamu alayki quand c'est une femme, wa alayki assalam quand c'est une femme, wa alayka assalam quand c'est un homme. D'accord? Assalamu alaykum quand c'est des hommes, al-jam, ici mudhakkar, et ici mu'annath, assalamu alaykum quand c'est des femmes. D'accord? Et parmi les preuves, il y a le hadith selon Abu Hurayra, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala crée Adam alayhi salam, il lui a dit, va saluer cela, c'est-à-dire al-mala'ika, et écoute bien la réponse qu'ils vont te donner, et telle sera la salutation qui sera utilisée, d'accord, chez vous. C'est ça la façon de saluer que vous allez utiliser. Et ici, il est parti, il les a salués, et il a dit, assalamu alaykum, et ils dirent, wa alayka salam wa rahmatullah. Ils ont pas dit wa alaykum. D'accord? Ils ont dit, wa alayka salam wa rahmatullah, et ils ont rajouté, wa rahmatullah, et le hadith est rapporté par al-Bukhari wa Muslim fi al-Sahihain. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, vous connaissez le hadith où il y a une personne qui est venue saluer le prophète alayhi salatu wasalam après qu'il ait prié. Le long hadith où, à trois reprises, le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, il lui a répondu, il lui a dit, va prier. Tu n'as pas prié, va prier encore. Parce qu'il il priait trop vite. Il ne faisait pas un recours et il ne restait pas mutma'in, apaisé dans le recours, etc. Dans les, ce qui fait partie des piliers de la prière, arkan ou salat d'ailleurs. Ici, il se précipitait dans la prière. Donc il a fini la prière, le prophète il a vu qu'il s'est précipité. Il lui a dit, va reprier. Parce que ta prière elle est bâtie là. Et avant ça, la personne est venue, lui a dit, il a salué le prophète. Et le prophète lui a répondu à chaque fois, wa alayka salam. Il n'a pas dit wa alaykum salam. Il dit wa alaykum salam, a'id al-salah. Recommence la prière. Et ça, il y a plusieurs textes où on voit qu'il y a wa alayka, ou bien salam wa alayka. Et de là, les gens de science, ils ont, comme des gens de science parmi les contemporains, Cheikh Al-Uthaym et d'autres, ils ont conseillé d'utiliser ici le singulier quand il y a une seule personne, deux ou trois ou quatre ou plus, on prend al-jam' le pluriel. Donc c'est ça le mieux. Et si on dit assalamu alaykum, il n'y a pas de mal, mais le mieux de dire assalamu alayka, assalamu alayki. Et là, le dernier point, le fait de saluer par un signe. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de saluer par un signe? Il y a des textes où le prophète alayhi salatu wasalam l'a déconseillé. D'accord? Et il a dit que ça c'était typique de certains non-musulmans, le fait de saluer soit avec la poignée, d'accord? Soit avec la tête, etc. D'accord? Walakin, en réunissant les textes, nous voyons que le prophète alayhi salatu wasalam et des compagnons l'ont déjà fait. Mais comme il dit Cheikh Al-Albani, rahmahullah ta'ala, il dit, le faire, si tu n'as pas le choix, parce que tu es très éloigné de lui, et tu fais un signe, la haraj. Il n'y a pas de mal. Walakin, tu rajoutes la parole. Il y a une différence entre faire un signe, tout simplement. Mais en réunissant les textes, on doit le dire. Et ici, le faire le signe et le dire. Donc quand tu vois une personne de loin, ou de très loin ou en voiture, tu fais un signe, il n'y a pas de mal. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, un grand nombre de gens de science. Et c'est la parole prépondérante, Wallahu a'lam. Walakin, tu le dis en même temps. Tu fais ça, même s'il t'entend pas, tu dis salamu alaykum, salamu alaykum. Il faut que tu dises en même temps, al-lafd, ici c'est la prononciation, pour que ça, tu réunisses entre les textes. Mais tu fais pas qu'un signe. Car le prophète, il a interdit de faire le salut qu'avec des signes, car il dit, c'est certains non-musulmans qui le font. D'accord? Qui le faisaient qu'avec des signes. Nous, on fait avec le signe, mais on dit, assalamu alaykum, même s'il t'entend pas, pour allier entre les textes. Ça, ayyul ahibba, c'est quelques règles extrêmement important concernant le salam, la salutation en islam. Rien à négliger dans l'islam. Il n'y a rien qui n'est pas important en islam. Allahumma allimna wa anfa'na bima allamtana wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.